Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'amitié entre Pierre-Éliott Trudeau et Fidel Castro. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Fidel Castro, un ami de longue date du Canada et de ma famille. Quand le premier ministre Justin Trudeau apprend la mort de Fidel Castro en novembre 2016, c'est le plus naturellement du monde qu'il en parle comme d'un ami. Son père, Pierre-Éliott Trudeau, a en effet entretenu une longue amitié avec le leader Maximo. Et en 1976, quand Pierre-Éliott Trudeau se rend en visite officielle à Cuba, il devient le premier dirigeant d'un pays de l'OTAN à visiter l'île depuis le coup d'État de Fidel Castro contre Batista en 1959. Mais la réaction de Justin Trudeau à la mort de Fidel Castro va provoquer des remous au Parlement fédéral. L'opposition conservatrice juge que le premier ministre y va un peu fort en parlant de lui comme d'un ami, le député conservateur Maxime Bernier. 1 500 000 Cubains ont dû s'exiler sous le règne de Fidel Castro, 15 000 prisonniers politiques, et on appelle M. Castro un ami du Canada. C'est répugnant et je suis déshonoré en tant que Canadien. Quel poids aura eu cette amitié entre Pierre-Éliott Trudeau et Fidel Castro dans les relations qu'établira le Canada avec Cuba et sur quoi reposait donc cette fameuse amitié entre les deux hommes? Usted fue... Commandant Castro, vous êtes allé au Canada, à Montréal, pour la première fois en 40 ans. Vous avez décrété 3 jours de deuil national pour le décès de Trudeau. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Pourquoi cette amitié était si importante pour vous? Pourquoi cette amitié était si importante pour vous? Bueno, son diversas razones. Pero en esencia yo tenía un gran aprecio por Trudeau. J'éprouvais un profond respect envers Trudeau comme homme d'État et comme personne. Nous avons nourri une amitié qui a débuté le premier jour où nous nous sommes vus et qui s'est poursuivie jusqu'à notre dernier entretien, ici même, il y a 5 ans. Hace aproximadamente 5 años. Pero el comandante, ¿por qué? Jusqu'où allait cette profonde amitié? A regard de Pierre Trudeau. A mi juicio, es uno de los hombres más sinceros. C'était l'un des hommes les plus sincères que j'ai connus. Il était aimable et modeste avec les gens. Et sur le plan personnel, nous avons été sensibles au fait qu'il vienne à Cuba avec sa famille. Il est venu avec son fils, qui n'avait que 3 mois et 26 jours. Que trajera el niño que solo tenía entonces 3 meses y 26 días. La journaliste Paul Robitaille interviewant Fidel Castro à son retour des funérailles de Pierre Trudeau en octobre 2000 pour nous raconter l'histoire de cette amitié entre Fidel Castro et Pierre-Éliott Trudeau, mesurer aussi l'importance qu'a eue cette amitié dans les relations que va entretenir le Canada avec Cuba. Je reçois l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Le fait que Fidel Castro se soit déplacé, on vient d'entendre un peu là, évoquer cette amitié qu'il a eue avec Pierre Trudeau, le fait qu'il se soit déplacé en 2000 aux funérailles de Pierre-Éliott Trudeau, ça en dit déjà pas mal, Éric, sur la nature particulière de leur relation. Oui, Fidel Castro n'a jamais été reçu en visite officielle au Canada. Et donc, c'est un voyage éclair qu'il fait. Il vient, il tient à être présent. Évidemment, c'est lui qui retient le plus l'attention. Il y avait présent lors des obsèques de Pierre-Éliott Trudeau, Jimmy Carter, qui représentait Bill Clinton, quelques autres représentants d'État, amis, bien sûr, mais Fidel Castro était dépassé, ouais, au sens propre et figuré d'une tête tout le monde. Et c'est vers lui que tous les regards se tournent. Il ne fait aucune déclaration. Il reste relativement discret puisqu'il ne veut pas attirer trop l'attention. Il sera reçu par Jean Chrétien pour un entretien privé. Et voilà, il a donné cette entrevue. Ouais. Et il va décréter d'ailleurs, quand il retourne à Cuba, 3 jours de deuil national, oui, à la mémoire de Pierre-Éliott Trudeau. C'est en 76 que ça débute, cette amitié entre Pierre-Éliott Trudeau et Fidel Castro, à l'occasion d'une visite officielle du premier ministre canadien à Cuba. Comment expliquer que ça clique entre eux deux, qu'ils développent cette camaraderie? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux hommes-là, Éric Bédard? Alors, ils ont beaucoup en commun quand on y regarde de plus près. Ce sont deux hommes de la même génération. Trudeau était l'aîné de 7 ans de Castro. Ce sont deux esprits cartésiens qui ont fréquenté des collèges tenus par des jésuites, deux diplômés en droit. D'ailleurs, au début de sa carrière, Castro était surnommé docteur. C'était un docteur en droit de l'Université de La Havane, alors que Trudeau a été professeur de droit à l'Université de Montréal. Deux esprits frondeurs, deux anticonformistes qui ont dû rompre avec leur milieu d'origine. Castro avec une certaine bourgeoisie cubaine et Trudeau avec le milieu nationaliste canadien-français. Deux personnalités plus grandes que nature, deux hommes qui mordent dans la vie et ses plaisirs, mais qui en même temps ont su faire preuve de discipline, de méthode, deux ascètes à leur façon, deux réformateurs sociaux aussi. Tout indique que Castro serait devenu marxiste. Il était d'abord un grand défenseur de son peuple face à ce dictateur soutenu par une puissance étrangère, les États-Unis, alors que Trudeau, avant de rejoindre les rangs du Parti libéral, avait été était vraiment vu comme un homme de gauche. Oui. Il avait milité au NPD, avait été militant syndical. Deux hommes politiques aussi, et je terminerai là-dessus, deux hommes politiques qui ont fondé un peu leur politique étrangère sur leur distance avec les États-Unis. Dans le cas de Castro, ça va de soi parce que c'est les États-Unis qui l'ont un peu isolé. Mais dans le cas de Trudeau, mais je dirais dans le cas de tous les premiers ministres canadiens, peut-être jusqu'à Brian Mulroney, ce rapport, cette distance avec les États-Unis était importante à la fois pour être prise au sérieux par les autres pays, mais en politique intérieure, c'était important, c'est pour montrer qu'on tenait à l'indépendance du Canada. Ouais. Donc une parenté dans le parcours entre les deux hommes et dans certaines idées politiques qu'ils partagent. Il faut dire aussi que, si on remonte un peu dans le temps, les relations entre le Canada et Cuba, qui vont prendre l'importance sous Trudeau, commencent en assez bons termes, et ce sera le cas aussi aux États-Unis, quand Castro renverse Batista en 59, la première réaction, elle n'est pas du tout hostile. Et d'ailleurs, Castro va venir à Montréal très, très tôt après ce coup d'État de janvier 59. Il sera à Montréal en avril 59. Affrontement. Vous présente ce soir l'un des personnages les plus romantiques de l'actualité, Fidel Castro, le révolutionnaire de la montagne cubaine, aujourd'hui premier ministre de son pays, homme d'État admiré, discuté, qui donne une conférence de presse à Montréal pour tous les journaux du Canada. The trade, the machinery, the foods, the product that we need to buy out, we have to pay in dollar or in gold. Alors vous savez que Fidel Castro arrive à Montréal aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Cet homme-là, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir. Ça fait pas très longtemps. Puis, mais qu'il fait ses preuves, bien là, on dira qu'est-ce que c'est, si c'est un bon homme ou si c'est un mauvais homme. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de sa visite justement ici sur le continent nord-américain, aux États-Unis et au Canada? Pensez-vous qu'il est venu se justifier? Non, monsieur. Strictement affaire. Strictement affaire? Pour moi. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je pense que c'est un bon homme. Puis il est mon homme. Parce qu'il a fait une bonne job. Je ne veux pas dire qu'il va réussir dans sa lutte. Parce qu'à l'envers de lui, il n'y a pas de finance. Il faut qu'il soumette à la haute finance. Bien, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est très bien ce qu'il a fait, pour, au moins pour les pauvres gens. Fidel Castro a peut-être fait une bonne chose en enlevant Batista de là-bas à Cuba, mais en se prenant la force, en soulevant la masse, Castro a très mal agi. Parce que soulever une masse, c'est ce qui est le plus facile à faire au monde. Et puis couper des têtes, couper des oreilles, enfoncer des baïonnettes, passer une mitrailleuse, c'est très facile. Ça n'a jamais rien réglé. C'est intéressant cet extrait, Éric Bédard, parce que ça nous replonge dans le contexte de l'époque. Je le disais, quand Castro renverse Batista en 59, la première réaction aux États-Unis, au Canada, en Occident, c'est pas une réaction d'hostilité. Un petit peu comme ce qu'on vient d'entendre, on le craint. Fidel Castro, on ne sait pas au fond où il va aller, mais on donne une chance au coureur, finalement. Oui. Je pense que l'idée que Batista était à la tête d'un régime très corrompu et à la solde d'une puissance étrangère, je pense que cette idée-là était bien connue, bien partagée. Donc, on avait d'emblée peut-être une sympathie pour un jeune homme. Il était dans la jeune trentaine, Fidel Castro, à ce moment-là. Un jeune homme qui s'était préparé de longue date, qui était dans le maquis et qui renverse ce pouvoir corrompu et qui veut affirmer la puissance du peuple et de son pays. Mais au départ, c'est ça, on ne sait pas trop si, parce qu'on est en pleine guerre froide, on ne sait pas si Castro va s'aligner sur l'URSS ou s'il va conserver son indépendance. Et donc, le 26 avril 59, c'est absolument fascinant, il fait un voyage éclair à Montréal. C'est supposé être un voyage de 3 jours, mais il vient seulement une journée, parce qu'il craint une insurrection des contre-révolutionnaires. Donc, il vient vraiment en coup de vent et il ne passe absolument pas inaperçu. D'ailleurs, ça a été dit par Monsieur Pelletier à l'antenne, un leader romantique. On admire son héroïsme, son côté épique. Et lorsqu'il arrive à l'aéroport de Dorval, Tout le monde le remarque, il rencontre le maire Certeau Fournier, il parle anglais avec un très très fort accent, il s'arrête à l'hôpital Sainte-Justine, il y a un banquet qui est organisé en son honneur. Donc il suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de sympathie, et des personnes interviewées disaient « Ah, il vient chercher de l'argent ». Mais c'est exactement ça, il venait chercher des soutiens. D'ailleurs, juste avant de venir à Montréal, il était passé par Boston, Eisenhower avait refusé de le rencontrer parce qu'on se méfiait beaucoup de lui, donc il allait là aussi chercher des soutiens et il promettait du bout d'élèves, des élections, dès que la situation serait rétablie. Ouais. Évidemment, ça va se corser, particulièrement avec les États-Unis en 1960, parce qu'il va procéder assez rapidement à ces grandes nationalisations. Ça, ce sera le point de rupture. Il y aura cette tentative un peu dirigée par la CIA de la baie des cochons qui va échouer. Et puis, il y aura, ce qui est intéressant pour nous, la crise des missiles en 1962. C'est intéressant pour nous, Éric Bédard, puis on en a déjà parlé ensemble, parce que ça montre que très tôt, la politique canadienne va différer de celle des États-Unis sur la question de Cuba. Oui, exactement, parce que le gouvernement de John Diefenbaker sera le seul gouvernement allié des Américains qui demandera une enquête indépendante pour vraiment vérifier s'il y avait, oui ou non, des missiles à Cuba, ce qui va évidemment choquer énormément les Américains, mais en même temps montrer que le Canada voulait avoir des preuves autres que celles qui étaient données par Washington. Oui. Et c'est évidemment aussi un moment où Diefenbaker et Kennedy ne peuvent pas se piffer. Exactement. Ça fait partie de l'équation, évidemment. Oui. Pierre Trudeau devient premier ministre en 68. Très tôt, après son arrivée au pouvoir, il décide de normaliser les relations avec Cuba. Quelle forme ça va prendre, cette normalisation-là? Bon, alors là-dessus, on peut penser que, justement, la politique de Pierre-Éliott Trudeau est peut-être pas si différente de celle de Diefenbaker. Hein? On l'a dit, il souhaitait une enquête indépendante, mais les conservateurs jouaient beaucoup, ils étaient assez partisans. C'était de bonne guerre. On soupçonnait Trudeau d'être un crypto-communiste, d'être un rouge. Après tout, n'avait-il pas été en URSS en 1952? N'avait-il pas été en Chine avec son ami Jacques Hébert en 1960? Il en a d'ailleurs rapporté un livre. Quand même, une fois Trudeau en place, mais on est dans une ère de changement aussi, même aux États-Unis. Trudeau plaide clairement et ouvertement pour une normalisation des relations avec Cuba. Il le dit en 1969 devant le National Press Club de Washington. Et durant la crise d'octobre, hein, on l'a peut-être oublié, mais il y a eu quand même ces sauf-conduits qui ont été accordés par Cuba à des Felkistes, ceux de la cellule Libération. Et évidemment, on a accepté qu'ils aillent à Cuba, mais à la condition qu'on leur enseigne pas les techniques de guérillera. Plus tard, malgré les attaques terroristes contre le consulat cubain à Montréal, enfin qui venaient des adversaires de Castro, les échanges économiques vont s'intensifier au début des années 70 entre le Canada et Cuba. Le Canada va exporter énormément et Cuba aussi va exporter au Canada. Ouais. Et il y aura aussi des ententes interuniversitaires. Il y a Paul Gérin Lajoie qui va se rendre à Cuba en février 1974 pour signer des ententes. Donc, le tourisme aussi aurait pu lever. Il y avait des intérêts de compagnies aériennes, mais plusieurs avions étaient détournés à l'époque. C'était une technique de terroriste assez répandue. Donc, il n'y avait pas beaucoup de tourisme, mais pas parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc, des échanges déjà donc qui commencent à se tisser de plus en plus entre Cuba et le Canada. Et puis, survient ce grand coup avec cette visite officielle historique du premier ministre Pierre-Éliott Trudeau à Cuba en janvier 1976. Arriva a La Habana el primer ministro del dominio del Canadá, Pierre-Éliott Trudeau, quien fue recibido por el comandante en jefe Fidel Castro, primer ministro del gobierno revolucionario, y por el doctor Osvaldo Dorticós, presidente de la República. ¡Viva Cuba y el pueblo cubano! ¡Viva el primer ministro, comandante Fidel Castro! ¡Viva la amistad cubano-canadienne! Quand Pierre Trudeau débarque à Cuba en janvier 1976, il est accueilli comme un héros. Éric Bédard, on entend Trudeau. Dans quel contexte, d'abord, est organisée cette visite-là? Alors, cette visite-là, elle ne passe vraiment pas inaperçue, puisque c'est le premier chef d'un gouvernement de pays de l'OTAN qui visite Cuba, le Cuba de Fidel Castro. Ouais. Et alors là, on peut dire, ben là, ça y est, le chat sort du sac, on voit bien le crypto-communiste et tout ça. Mais attention, si on met ça dans le contexte, il y avait quand même une période de détente. Les États-Unis avaient mis fin à la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient signé plusieurs traités avec l'URSS, Les États-Unis avaient reconnu la Chine, donc un peu comme le Canada avait précédé les États-Unis en Chine, plusieurs diplomates et intellectuels canadiens se disaient « on va peut-être encore là précéder les États-Unis à Cuba ». Parce qu'ils y viennent eux-mêmes. Parce qu'ils y viennent eux-mêmes, parce que Henry Kissinger était en train de négocier de façon complètement secrète avec le régime cubain une forme de normalisation. Donc, le climat était relativement bon, mais éclate la crise angolaise. L'Angola était une ancienne colonie portugaise qui fait son indépendance en 1974. Et là, il y a une guerre civile qui fait rage entre des forces plus ou moins alignées sur l'Ouest, les forces « guillemets démocratiques », et d'autres, des forces plutôt communistes alignées sur Moscou. Et Castro, Cuba, envoie 2 à 3 000 hommes. Au début, on ne sait pas trop, c'est assez flou, puisqu'il faut comprendre aussi que les États-Unis, Gerald Ford voulait intervenir, mais le Sénat, complètement catastrophé parce qu'il venait de se passer au Vietnam, refuse de l'aide. Et des troupes de l'Afrique du Sud avaient envahi l'Angola, donc les États-Unis étaient supposés les supporter. Mais tout ça fait que, à la veille du départ de Pierre-Éliott Trudeau, des pressions énormes pour que Pierre-Éliott Trudeau n'y aille pas à Cuba en guise de protestation, mais finalement, il décide d'y aller quand même. Et comment ça se déroule, cette fameuse visite, qui va devenir en quelque sorte historique? Alors, c'est une visite qui va être un peu mythique. Il arrive là d'abord avec sa famille. Il arrive là, en fait, ça met pas toute sa famille, il arrive là avec Margaret. Et pour la petite histoire, le couple ne va pas très bien. C'est un peu un voyage de réconciliation. Il y a beaucoup de tensions. Ils arrivent aussi avec un de leurs fils, qui est Michel, celui qui va malheureusement mourir 2 ans avant le décès de Pierre-Éliott Trudeau dans une expédition de ski. Alors à ce moment-là, le jeune Michel Trudeau a 4 mois, il est encore au sein. Alors c'est un peu mythique à ce point de vue. Là, il est accueilli évidemment en grande pompe et il arrive officiellement le 26 janvier à La Havane. Le courant tout de suite passe bien. Tout a été préparé au quart de tour. Castro ne veut vraiment pas rater son coup. Le 27 janvier, les discussions vont se poursuivre, mais complètement à huis clos sur l'île de Cayo Largo. On ne peut y accéder qu'en hélicoptère. Aucun compte rendu des discussions n'est resté. C'était vraiment que les 2 hommes qui discutaient. Selon ce qu'on a su à travers les branches, il a été question de l'Angola, mais Castro aurait minimisé son intervention. Le premier ministre canadien ne va cesser de vanter le système social cubain, qui l'impressionne beaucoup en éducation, en santé, de vraies réussites. Et bien sûr, cette journée de discussion va se terminer par la pêche, par une plongée, et des photos qui vont être prises, et tout ça va passer à l'histoire. Mais le 28 janvier, justement le lendemain, là, il y a un grand rassemblement qui est organisé à La Havane. Le président Castro prend la parole et va souligner que le Canada n'a jamais conspiré contre son régime, qui n'a aucune colonie, aucune ambition impérialiste, façon évidemment de viser les Américains. Et de l'autre, eh bien, Pierre-Éliott Trudeau va prendre la parole et il va prononcer les paroles qu'on vient d'entendre. Oui. Là. Vive Cuba et le peuple cubain, vive le premier ministre Fidel Castro, vive l'amitié canado-cubaine. Et ce sont ces phrases-là qui vont lui être reprochées, mais dans le contexte où on reproche à Cuba d'intervenir en Angola et donc peut-être d'envenimer ce climat entre l'Est et l'Ouest. Et ça va créer des remous au Canada, en fait, au Parlement fédéral. Cette visite-là ne passera pas inaperçue. Absolument, ça ne passe pas inaperçu. On va énormément lui reprocher. Et donc, il faudra attendre 1978 pour que finalement, les relations... Il y avait un programme d'aide humanitaire avec Cuba soit stoppé en guise de protestation du Canada contre cette intervention de Cuba en Angola, qui était beaucoup plus importante que ce qu'avait laissé entendre Castro à ce moment-là. Et ça, Pierre-Éliott Trudeau, au fond, va le réaliser une fois revenu au pays, puis donc il y aura ces sanctions qui suivront, celles dont vous nous parliez en 78. Que vont gagner, de quelle manière, cette visite de 76? Cette amitié entre les 2 hommes va être importante pour le développement des relations entre le Canada et Cuba. Et que vont gagner les 2 pays dans cette relation particulière? Je propose d'écouter un extrait du documentaire Mémoire, où on assiste aux retrouvailles de Pierre Trudeau et de Fidel Castro à Cuba. Vous entendrez également dans cet extrait la voix de Jean-François Lépine. Et vous allez voir, c'est très éclairant, ce petit échange entre Pierre-Éliott Trudeau et Fidel Castro. Castro est un chef très particulier qui, autant il parle fort et longtemps lorsqu'il est en public, autant il parle doux lorsqu'il est en privé. Il parle avec une voix très basse et surtout qu'il parle en espagnol. Alors on fait des efforts pour l'écouter. Et c'est ce personnage barbu, intense, avec des yeux très brillants. Pierre Trudeau noue une solide amitié avec le chef révolutionnaire cubain. De retour à Cuba en 1992, il accepte les remerciements de Fidel Castro pour le soutien moral et financier que le Canada a prodigué au peuple cubain dans les années 70. L'amistad de los canadienses fue importante para ustedes? Sí, fue sumamente importante. Moralmente significó, bueno, un aliento en ese sentido y ver que podía haber política diferente a la de Estados Unidos, aunque el sistema social fuera diferente. Sí, es una política canadiense que buena. Tiene la amistad con los americanos, pero no la servitud. Dans cet extrait, Éric Bédard, c'est intéressant. Fidel Castro raconte d'abord à quel point l'amitié du Canada est importante pour Cuba. En fait, il dit que c'était un signe d'encouragement, un exemple surtout que Cuba pouvait entretenir des relations et des échanges normaux avec un pays qui ne partageait pas toutes les vues du régime castriste. Et puis, autre élément intéressant, c'est quand Pierre Trudeau rajoute que l'exemple de Cuba a permis au Canada de prendre ses distances, d'affirmer au fond son indépendance par rapport à la politique étrangère américaine. C'est ça qui est en jeu. Qu'est-ce que gagne l'un et l'autre et quel impact va avoir cette visite de 76, ce pacte presque, pour la suite des choses? Ben, c'est sûr que Cuba était un peu un État, le Cuba de Fidel Castro était sous embargo, un État paria. C'était une façon presque de narguer la puissance américaine dans sa sphère d'influence et ça créait énormément de pression sur le régime cubain. On sait que la CIA a constamment soutenu les opposants à Fidel Castro, des tentatives d'assassinat. Bon, alors il y a une énorme pression et la relation avec le Canada permettait à Cuba de dire, ben vous voyez, on n'est pas si pire que ça, on peut avoir des bonnes relations, même avec des grands alliés des Américains. Et de l'autre côté, ben, pour le Canada, ce lien de proximité permettait d'avoir une voix différente de celle des Américains. Mais en même temps, vous savez que la première chose qui s'est passée lorsque Trudeau est revenu de son voyage, c'est qu'il y a eu un émissaire des États-Unis, du gouvernement américain, qui est venu au Canada pour avoir tous les détails. Ah oui. Et on les a bien briefés, paraît-il. Éric Bédard, encore une fois, fascinant récit. Merci beaucoup. Merci à vous. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC, auteur de nombreux ouvrages, dont tout récemment l'ouvrage « Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français ». Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle.